Lâche une nouvelle génération. Elle ne me dérange pas, mais parce qu'on leur donne du travail. La politesse, ben, premièrement déjà, saluer les personnes, d'essayer aussi de savoir comment ils s'appellent, par son prénom ou bien même son nom. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont facteurs, ils ont un colis dans leur bus, ils croisent une dame, ils ne savent pas le nom qu'elle a. Il manque un peu les relations. Moi, je trouve d'avoir de la relation, dire aussi bien monsieur ou madame, c'est pas d'être négligeable. Bon, il faut reconnaître qu'il y avait peut-être moins de travail qu'à présent, mais j'ai trouvé qu'il était mieux fait dans le temps qu'à l'heure actuelle. On prenait le temps. Présent, c'est vite, vite, vite. Le client, à mon avis, il est un peu secondaire. Mais les jeunes, ils sont bien actifs, à mon avis. Ils ont beaucoup d'idées, ils savent assez se débrouiller sans demander à papa. Moi, je pense qu'elle est assez heureuse, la population. Je pense que les gens vivent assez bien. Pourquoi pas être un petit peu heureux? Oh, j'ai tout un changement, Pichard. C'est sûr, ouais. C'est une autre génération. Je dis, la génération actuelle, elle n'a pas connu notre génération. Mon mari était mort depuis un certain temps. Je suis allée à la banque chercher des sous avec mon passeport. Il m'a dit, alors, vous avez demandé la permission à votre mari? J'ai dit, oui, vous allez la chercher là-haut. Non, vous savez, les femmes, à l'époque, on n'avait le droit à rien. Et souvent, ce qu'on disait à la maison, ben, ferme ta gueule, t'as pas 20 ans. Moi, j'ai donné mon salaire à la maison jusqu'à 20 ans. Non, c'était... Ben voilà, ouais, on faisait pas des manifs comme il se fait maintenant, voilà. Et puis j'ai travaillé là jusqu'à ce que je me marie, parce que quand on se mariait à l'époque, il fallait démissionner. On ne pouvait pas être femme mariée puis travailler. Alors, la génération actuelle, elle est plus engagée, oui. Il me semble qu'avant, en tout cas, avant la pandémie, mais aussi avant donc, la problématique donc, du climat, les plus jeunes ou les jeunes avaient plutôt tendance à suivre sans plus. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, donc, je les vois un peu plus actifs. Il y a longtemps, je me souviens toujours donc, d'un fait, donc, d'un événement politique majeur qui avait donc, interpellé les jeunes, notamment donc d'une possible guerre entre la Russie et puis les États-Unis, et puis que les jeunes, hein, les jeunes s'étaient mobilisés pour se battre donc contre cette guerre possible, hein, mais qui n'était et ça m'a rappelé un petit peu donc mes années des années par exemple 68, hein, parce que moi je viens de 68, j'ai fait tout 68. Mais il me semble que maintenant, les jeunes sont encore plus. mon impression, c'est qu'avant, il fallait qu'un adulte les pousse. C'était mon cas, ce que j'avais fait moi. Et puis que maintenant, les jeunes n'ont pas besoin de cette impulsion. Ils ont pris conscience maintenant qu'ils ne peuvent pas continuer à rester les bras croisés, qu'ils doivent bouger, il doit se passer quelque chose.